Le dernier morceau est une reprise du groupe punk anglais Internal Autonomy qui sera bientôt en tournée de reformation en France.